Chapitre 12e. Le lendemain, alors que Louis, Odette et David étaient en train d'essayer d'avaler leurs ersatz de café, en trempant dedans du pain noir assis, le téléphone sonna. C'était un appel de Marcel depuis sa loge, il parlait d'une voix étouffée. « Patron, le gosse est là. Je le retiens en lui donnant du chocolat que m'a refilé la mère Cassin et du sirop, mais il a le feu au derrière. Qu'est-ce que je fais après ? Laisse-moi le temps de m'habiller et de prendre mon vélo. Dès que je serai sorti, tu pourras le lâcher. » Louis se précipita dans la chambre pour enfiler son pantalon. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Odette. « Une urgence ? » ?»« Oui, on peut dire ça. » »« Mais ce n'est pas un malade. Je t'expliquerai. À tout à l'heure, » fit-il en prenant la porte. Il passa devant la loge et alla se poster à une vingtaine de mètres sur le trottoir d'en face, les fesses sur la selle. Le gamin déboula de l'immeuble, prenant sa course en faisant de temps en temps des sauts de cabri. Quand il fut à plus de 50 mètres, Louis commença à pédaler lentement. Le gamin, arrivé place de la contrescarpe, se dirigea vers un banc sur lequel un homme était assis. Louis stoppa et observa la scène de loin. L'enfant parla à l'homme qui sortit son portefeuille et lui remit quelque chose. Un papier, un billet peut-être. Puis le gamin s'échappa tout heureux en gambadant comme à l'aller. Aussitôt Louis se précipita. En l'apercevant, l'homme qui s'était levé se rassit et attendit calmement. Louis reconnut en lui Pinault, ou du moins celui qui se faisait appeler ainsi. « Monsieur Crissier, je présume ?» Pinault sortit de sa poche un journal, fit semblant de le lire, et s'adressa à Louis à l'abri de « Je suis partout. »« Ah ! Je savais bien qu'on en arriverait là, monsieur Fogle. Mais je ne suis ni contrarié ni déçu, bien au contraire. Vous avez pris connaissance de notre dernier courrier, je suppose ?»« Non, je n'en ai pas eu le temps. » Je tenais trop à savoir pour qui ce gamin jouait au facteur. Mais vous allez m'en donner la teneur. Nous ne pouvons parler ici, c'est trop risqué. Écartez-vous et ne regardez pas vers moi. Rentrez chez vous. Je vous promets de venir vous voir en début d'après-midi, en me faisant passer pour le plombier. Prévenez votre concierge. En revenant chez lui, Louis ouvrit la lettre qu'avait apportée le gamin. Nous avons bien fait de placer en vous tous nos espoirs. Vous avez signé un coup de maître. Bravo. Vous êtes devenu maintenant un élément indispensable de notre réseau. Vive la France libre !» Comme convenu, vers 14h30, on sonna à la porte. Pinault était en bleu de chauffe, une boîte à outils en bandoulière. Louis avait demandé à Odette d'aller ouvrir pour qu'elle photographie Pinault. Ce dernier tiqua un peu quand il vit que ce n'était pas Fogle qui lui ouvrait. Mais quand Odette le fit entrer en disant « Louis, c'est le plombier !» il se détendit. Sans plus attendre, le docteur le fit passer dans son cabinet. « Nous vous félicitons pour votre dernière mission, docteur Fogle. Vous avez lu la lettre, je pense. La police a conclu à une mort par surdose de morphine. Le cœur n'a pas tenu le coup. Bravo, propre et sans bavure. »« Sans bavure peut-être, mais ce n'est pas grâce à vous. Lorsque je l'ai appelé Polyakov, le gars a tiqué. En réalité, il devait être connu sous le nom de Kromberg. Polyakov, c'était son véritable nom. Vous m'avez fourvoyé sur une mauvaise piste par manque de préparation. » Heureusement que le type n'était pas dans son état normal, sinon c'était la catastrophe. C'est vrai, et je vous demande de nous excuser. Nous n'avions pas réalisé que vous n'étiez pas au courant de certaines choses, et vous aviez été plus rapide que nous ne le pensions. À l'avenir, ça ne se produira plus, je vous le promets. Je l'espère. Si toutefois il y a d'autres fois, monsieur Crissier, c'est bien votre nom. Peu importe. Vous connaissez déjà deux membres de notre réseau. Oui, vous et Robert. Je l'appelle Rouletabille. Bah, pour Rouletabille. Vous nous avez donné des preuves de votre efficacité et de votre fiabilité. Nous vous faisons désormais confiance et avons décidé de vous informer de certaines choses. Nous ne sommes pas nombreux dans ce réseau. Et je peux savoir comment vous le nommez ? Après tout, maintenant, ça ne change rien à l'affaire si je suis pris. Avez-vous déjà entendu parler de Némésis pendant vos études ? C'est une déesse grecque, non ? Celle de la vengeance, je crois. Exact. Elle dispensait le sort en fonction des mérites de chacun. Elle était aussi le messager de mort envoyé par les dieux comme punition. Le seul nom du réseau vous indique notre but. Vous êtes donc les messagers de la mort ? Malheureusement, oui. Mais nous ne tuons pas n'importe qui, n'importe comment, vous l'avez compris. Nous faisons un peu office de justicier. Certains crimes nous sont commandités, d'autres, rarement, sont de notre initiative. Mais j'insiste sur le fait que chaque élimination et passé au crible de notre conscience et de notre éthique. Il y a donc des crimes que vous refusez de commettre ? Oui, Nous ne sommes ni des machines, ni des bourreaux. Pourtant, vous m'avez bien pris pour une machine, comme si je n'avais pas d'état d'âme. C'était pour tester votre aptitude à obéir et à suivre des consignes. Mais tranquillisez-vous, je suis sûr que vous auriez de toute façon approuvé cette exécution. Polyakov était un ancien communiste passé au SA en 1933. En 1940, il a proposé ses services aux Anglais en échange d'argent et de morphine. Comme Göring, il était accro à cette drogue. Mais ces derniers temps, il a fait monter les prix. Et les Anglais refusant, il a commencé à travailler pour les Russes avec l'orchestre rouge. Jusque-là, rien de bien méchant. Mais il a fini par vendre les contacts anglais avec lesquels il travaillait auparavant. Des braves types qui se battaient pour la libération de notre pays. C'était une saloperie de trop. Vous êtes d'accord sur le fait qu'il fallait que ça cesse. Oui, il faisait partie de la cinquième colonne. Personne ne sait exactement ce qu'est cette cinquième colonne. Je préfère parler simplement d'espionnage. Mais pourquoi des meurtres si alambiqués? Pour éviter les représailles. Dans le cas de Polyakov, nous ne voulions pas créer de contentieux avec les Russes. C'est pour ce genre d'élimination que l'on fait appel à nous, d'ailleurs. Les morts sont soit accidentelles, soit dues à la maladie. Ainsi, pas de représailles par la Gestapo, pas d'otages. Un simple nettoyage, comme si la main du destin était passée par là. Vous comprenez mieux maintenant le choix de Némésis comme nom de réseau. Mais pourquoi m'avoir choisi? Il y en a bien d'autres qui peuvent faire le boulot, non? Non, pas vraiment. Il nous faut des hommes ayant une bonne notoriété, une bonne moralité, ni des malfrats, ni des tueurs professionnels, quelquefois déjà connus des services de police d'ailleurs. Une bonne moralité, c'est moral de tuer des gens. En temps de guerre, ça peut l'être. Tout dépend de la personne et du mobile. Assassiner un soldat ou un officier dans l'exercice de sa fonction, si ce n'est pas au cours d'une bataille, c'est tuer pour tuer. C'est de l'assassinat pur. Punir quelqu'un qui agit dans son seul intérêt matériel, sans souci de la vie d'autrui et sans aucune préoccupation morale, c'est faire acte de justice. En tout cas, c'est la philosophie de notre réseau. N'est-ce pas ce que vous avez fait en dégroupant les deux concierges? De toute façon, vous avez beau parler de philosophie, ça n'empêche pas que pour sauver des vies, vous en preniez d'autres. C'est faux. Le juge qui condamne et fait exécuter un coupable ne sauve pas forcément d'autres victimes. Le coupable paye sa dette envers la société et c'est tout. Enfin tout. C'est une façon de parler. Tout de même, je doute fort que notre rencontre ne soit due qu'au seul hasard. C'est un des membres du réseau qui nous a parlé de vous. Je vous ai donc suivi pour étudier vos habitudes de vie. Incidemment, je vous suivais le jour où vous avez récupéré l'enfant Zilber. Et j'ai bien compris que la concierge n'était pas morte toute seule. À partir de là, le reste n'a été que la confirmation que vous étiez la personne qui nous manquait. Mais pourquoi avoir monté tout ce cinéma digne du plus mauvais polar, la police, la dénonciation et tout le toutime? Pour vous forcer la main, dans un premier temps, car nous avions bien senti que vous n'auriez pas accepté de votre plein gré. Vous étiez trop pusillanime. Maintenant, c'est différent. Le stress vous a ouvert les yeux et vous a fait sortir de vous-même. À tel point que je marche à côté de mes pompes, ironisa Louis. En tout cas, remarqua Pinault, votre ami Müller est un type bien. Courage, promptitude dans l'exécution, voilà comment j'aime les militaires, quel que soit leur camp. Louis garda le silence et alla sortir la bouteille de cognac, seule boisson qu'il pouvait offrir, l'eau mise à part. Il digérait mentalement tout ce qui venait de se dire. En remplissant le verre de Pinault, une autre interrogation lui vint à l'esprit, il dit d'un ton affirmatif. Le couple Beauchamp fait aussi partie du réseau. Perdu. Le couple Beauchamp, ce sont les faux papiers. Pardon, expliquez-moi. Les Beauchamp font partie d'un autre réseau. C'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Il fallait qu'ils se mettent au vert. Nous avions besoin de faux papiers. Vous, enfin tu, oui, parce qu'entre camarades on se tutoie, tu t'es montré compréhensif et tout a été pour le mieux. Louis ne releva pas le tutoiement qui ne le choquait pas et continua. Dernier point, ne me dis pas que nous n'avons pas de taupe dans la Gestapo. Si, bien sûr, c'est un type formidable. De nous tous, c'est certainement celui qui risque le plus. Si jamais il était découvert, je crois qu'il prendrait 2 balles dans la tête, séance tenante. Et tiens-toi bien, c'est un Allemand. C'est un peu comme ton copain, finalement. Ils ne sont pas tous mauvais. Et dis-moi, c'est vous qui avez commandité cette descente de la Gestapo pour nous affoler? Tu crois qu'on s'amuse à ce genre de choses? Mais sur quelle planète tu es? Je crois que c'est Kernan qu'il voulait. Ils en ont eu un autre à la place, et n'ont pas perdu au change. Ils se doutent bien que le gars qu'ils ont arrêté fait partie de la même clique, et même s'ils ne trouvent pas son nom, ils le condamneront comme franc-maçon. Fais gaffe, car je suis certain qu'ils reviendront. » Puis Pinot, pour la compréhension du récit, nous continuerons à l'appeler ainsi, se leva. « J'ai du travail qui m'attend. Des robinets ?» dit ironiquement Louis. « Non, c'est du sérieux. Je t'en parlerai la prochaine fois que nous nous verrons. Je te passerai un coup de fil pour l'heure du rendez-vous, et je viendrai encore déguisé en plombier, ça te va ?»« Ça boum !»« Au fait, tu as fait connaissance de ma femme ?»« Oui, je savais que c'était quelqu'un de bien, » fit-il d'un air entendu. « Toi aussi, tu vas avoir du boulot, et du coton. Tiens-toi en forme. » Louis avait déjà du monde dans la salle d'attente. Il remarqua la jeune fille qui était venue la veille pour son fiancé et en fut contrarié. Qu'allait-il lui raconter? Il n'avait pas le temps de s'occuper de son cas et de toute façon pourrait-il faire quelque chose pour elle? Quand son tour arriva, elle lui posa tout de suite la question attendue. « Alors ?» Louis la fit asseoir et commença par la détailler. Elle était incontestablement très jolie, avec beaucoup de classe et de charme. Louis se prit à penser que d'aucuns auraient pu se demander ce qu'une fille pareille faisait avec un juif. Mais il avait l'exemple d'Olga et savait que l'amour s'affranchit de bien des barrières et de tabous. D'une façon saugrenue, il demanda, à brûle-pourpoint, « Il est beau, votre fiancé ?» La fille rougit un peu de l'émotion qui montait en elle. « Oh oui, très beau. Tenez, regardez » dit-elle en sortant une photographie de son sac. On y voyait un jeune homme assis sur un parapet, souriant au soleil, une cigarette à la main, dans la pose préférée des acteurs américains. C'est vrai qu'il était très beau, les traits fins et rassés, les cheveux blonds qui flottaient au vent avec un sourire à faire fondre n'importe quelle femme. Son regard, bien visible sur la photo, était empreint de bonté et de tendresse. Bien que juif, il n'en représentait pas moins l'archétype du parfait arien d'après les critères nazis. C'est vrai qu'il est beau. Il a l'air gentil et... il est juif ? S'étonna Louis. Oui, malheureusement, se désola la jeune fille. Malheureusement, malheureusement, à cause de ce faux de Hitler. Sinon, être juif n'est pas une tare. Et vous êtes juive aussi, bien sûr. Non, je suis catholique. J'ai été baptisé et j'ai fait ma communion. La religion n'y fait rien à l'affaire, mademoiselle. Les nazis ont fait une question de race et non pas de confession religieuse. Comme si votre fiancé, vous, n'apparteniez pas à la même race. Vous n'êtes pas allé jeter un coup d'œil à l'expo « Le Juif et la France » ? C'était instructif sur leur idéologie. L'autre jour, j'ai croisé un prêtre en soutane qui portait l'étoile, c'est vous dire. Ce sont les origines de vos grands-parents des deux côtés qui comptent. Allez, leurs lois anti-juives sont une histoire de fou. Je ne sais pas si Hitler lui-même pourrait prouver qu'il n'est pas juif. En plus d'être juif, mon fiancé est recherché, ajouta la jeune fille. Qu'a-t-il fait ? Il a tiré sur un soldat allemand, rue Grenelle. Ah, c'est malin. Il est peut-être gentil et beau, votre fiancé, mais c'est un abruti. Ça l'a avancé à quoi de faire ça ? À rien, c'est ce que je lui ai dit. Nous nous sommes même disputés pour cela. Être juif, ce n'est pas une tare, mais être un assassin, c'en est vraiment une. Louis faillit ajouter pour lui-même, et je sais de quoi je parle. Il faut le comprendre, docteur. Il venait d'apprendre que ses parents avaient été assassinés par les Allemands. Il est devenu comme fou. Il a emprunté un pistolet à un copain et a tiré sur le premier Allemand qui se trouvait sur sa route. Après, il s'enfuit par les couloirs du métro, et je n'ai plus de nouvelles de lui pendant 2 jours. Louis se dit que finalement, le jeune homme avait une réaction analogue à la sienne après l'arrestation des Ilbars. Certes, les conséquences n'étaient pas les mêmes, mais le mobile était bien identique. La jeune fille avait raison, il fallait comprendre. Où se trouve-t-il actuellement ? Dans la cave de ma grand-mère à Montmartre. Il y a des témoins de son crime ? Oui, 2 et qui l'ont décrit assez bien, paraît-il. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Réfléchissez. Ils n'ont qu'une description qui correspond à beaucoup de jeunes gens, et ils n'ont pas de nom. Il n'y a pas de lien logique entre la mort de ses parents et l'assassinat d'un soldat allemand. Il ne faut pas que la trouille vous fasse faire n'importe quoi. Vous avez raison, docteur, mais j'ai peur, c'est comme ça. D'un autre côté, la seule chose vraiment à craindre pour l'instant, c'est la dénonciation. Qui pourrait le dénoncer ? S'offusqua la jeune fille. Je ne sais pas, moi, un copain, une fréquentation. Tiens, celui à qui il a emprunté l'arme, par exemple. C'est-il celui-là où se cache votre fiancé ? Oui, répondit timidement la jeune fille. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui fait le guet en cas d'alerte. Et puis, mon fiancé veut rejoindre Londres pour se battre. C'est devenu une idée fixe. La jeune fille était tellement touchante dans son désarroi que Louis finit par accepter comme un devoir de sauver le jeune homme qu'elle aimait. « Bon, Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler, mais je vais voir ce que je peux faire. En attendant, il y a plus à craindre de son copain en liberté que du reste. C'est lui, l'élément faible. S'il est arrêté pour une raison quelconque, qui sait ce qu'il dira ? Louis passa ensuite dans son appartement. Il était temps de songer au repos. Dans sa cuisine, Odette avait préparé un ragoût de rutabaga dans la marmite norvégienne que Louis avait bricolé à l'aide d'une caissette en bois. Quelquefois, la cuisson n'était pas vraiment terminée, mais cela permettait de faire des économies de gaz substantielles. « On n'y voit pas grand-chose dans la cuisine, ma puce. L'ampoule du milieu est morte. Tiens, enlève-la, s'il te plaît. Tu l'échangeras contre une neuve chez le quincaillier. »« Ouais. Eh ben quand j'aurai le temps. » »« Quelle époque, mon Dieu. » »« Écoute, Louis. Moi, j'ai fait la queue toute la matinée et une partie de l'après-midi. Alors pour une ampoule. » Et de la main, elle fit le geste qu'elle en avait par-dessus la tête. Depuis que la bonne était partie en 40, Odette faisait face à tout, mais la partie n'était pas facile pour les ménagères depuis l'occupation. David pointa son petit museau dans la cuisine pour voir ce qu'on allait manger. « Alors, Coco Belœil, qu'est-ce que tu racontes de beau ? Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui ? » lui demanda Louis. « Ça va, mais j'ai encore dû me bagarrer. »« Comment te bagarrer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne nous cache rien ! » demanda Odette. Les grandes fins d'études m'ont traité de juif, mais les copains m'ont dit qu'ils faisaient ça avec tous les nouveaux. « Et alors, qu'as-tu fait ? Tu t'es plaint au maître ? » ?»« Non. » J'ai dit aux grands de venir dans les chiottes vérifier ma bistouquette. Quand les trois sont venus, j'ai baissé mon pantalon pour la leur montrer et je leur ai pissé sur les godasses. Les autres étaient pliés de rire, mais après, les grands ont été se plaindre au maître. Et qu'est-ce qu'il a dit, le maître ? Je lui ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Ça l'a fait rire, et il a dit aux grands que ça leur servirait de leçon. Il a dit aussi que s'ils touchaient un de mes cheveux, il les renverrait. Il est gentil, le maître. Tu crois qu'il est juif ? Non, c'est impossible. Les juifs ont l'interdiction de remplir des tâches d'enseignement, entre autres. Ton maître est simplement un brave homme qui a du cœur et du discernement. Je passerai le remercier pour son attitude. Après le repas, Louis descendit la poubelle. Dans l'escalier, il croisa Cassin qui revenait chez lui, la mine défaite, pitoyable dans sa robe de chambre défraîchie, le regard flou et vide, comme tourné en dedans. Louis comprit que cet homme venait de vivre des moments qu'il n'oublierait pas. Il ne serait plus jamais le même. « Ils vous ont relâché, monsieur Cassin ?»« Oui. »« Vous vous rendez compte, ils m'ont pissé dessus » dit-il d'une voix blanche au bord du sanglot. « Ce n'est pas douloureux, sauf pour votre honneur. »« Ah ! J'aurais préféré qu'ils me frappent jusqu'au sang. »« Et puis ils m'ont mis une amende de 3 000 francs. Comment je vais faire » murmura-t-il. « Ne vous inquiétez pas, on s'arrangera pour les loyers. C'est tout ce que je peux faire. »« C'est déjà beaucoup. Bonsoir, docteur, et merci. » En le voyant, sa femme faillit s'évanouir.